Conan le barbare, chantant dans le camtar, en direction du placard. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planqué dans le calbar. J'écrase les cafards, comme Conan le barbare, chantant dans le camtar, en direction du placard. Maintenant stoppez toutes vos parodies, tous ces rappeurs de pacotille ne sont seulement que mes pâles copies. Je suis le seul et l'unique, j'ai pas de sosie. Tu me verras jamais porter de l'or machine. Encore un nouveau projet orgasmique, dégagez vite quand ma horde arrive. J'ai écrit ce texte sur mon portatif. On a passé notre temps nos vies dans la street. Écartez vos jambes, on est fantastique. Je dis ça honnêtement sans vantardise. Al Capitaine Pote est un grand artiste. Quand j'entends cabine, lèche mes mandarines. Je vais tous vous enculer sans vaseline. Je veux pas payer l'état comme Florent Pagny, ni baiser des putes au campanile. Pendant qu'un grand verre de blanc, ta bouche empêche le gland. J'évite l'enfermement et les emmerdes. On est tous en perte de temps, c'est pire que l'enfer dedans. Ton cœur renversement en mode entraînement. Je frappe sans mettre de gants, superbe enchaînement. Violente en fait devant, trop de gens versent le sang. Je vais aux enterrements, je monte dans l'encerclement. Refuse d'enseignement, donne pas d'enseignement. Dans le traquenard, j'ai une vision bancale. Je veux trouver un filon rentable ou compter un million en cash. L'aigle est comme un lion en cage. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planté dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare, chantant dans le camtar, en direction du placard. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planqué dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare, chantant dans le camtar, en direction du placard. Pour tout est métaphorique, je me souviens de tout métaphorible. J'ai même baisé Aphrodite, je devais être dans un état euphorique. Je rappe même sur des afrobeats, la vie c'est affreux petit, j'ai mal au bide. Je suis plus fort que ton rappeur favori, un putain de salopard qui lâche des saloperies. Pour tout est métaphorique, je me souviens de tout métaphorible. J'ai même baisé Aphrodite, je devais être dans un état euphorique. Je rappe même sur des afrobeats, la vie c'est affreux petit, j'ai mal au bide. Je suis plus fort que ton rappeur favori, un putain de salopard qui lâche des saloperies. Genre d'une grosse rap, t'as mon koala fit avec toi, ça m'emballe pas. J'suis dans la cuisine, m'emballe pas. Ou la piscine comme Obama. J'pourrais même baiser Lohana. Allez protéger vos nanas. J'vais tout faire sauter au napalm. C'est Jonathan, j'ai trop la dalle. Dans le traquenard, j'ai une vision bancale. J'veux trouver un filon rentable ou compter un million en cash. L'aigle est comme un lion en cage. Un nouveau traquenard, un nouveau traquenoir. L'argent du Qatar, planté dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare. Chantant dans le camtar, en direction du placard. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planté dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare. Chantant dans le camtar, en direction du placard. RDV à la gare, ou bien fait le matard. Bisous à l'Agdar, Lascar joue pas la star. J't'écris un roman, ma plume est imposante. Oui j'ai un gros ventre, ma puissance est bien trop grande. J'ai la bave aux lèvres, j'envoie la mayonnaise. Sur Selena Gomez, ou sur ces japonaises. J'rate sur mon tel, je me confesse. J'fête la rondelle de ta gonzesse. Sous une ombrelle, j'fume du bon zette. Arrête ton zèle ou j'casse ton zen. Dans le traquenard, j'ai une vision bancale. J'veux trouver un filon rentable et compter un million en cash. L'aigle est comme un lion en cage. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planté dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare. J'entends dans le camtar, en direction du placard. Un nouveau traquenard, un nouveau traque noir. L'argent du Qatar, planqué dans le calbar. J'écrase ces cafards, comme Conan le barbare. J'entends dans le camtar, en direction du placard.